So, George's wallet is safe at the hotel. But the receptionist has something else for George. Une télécopie. This is a very formal word for fax, and nowadays you're more likely to hear... A fax. And now, just before the final scene in the bookshop, here are four more words and phrases. As usual, repeat the French the second time you hear it. Un roman. A novel. Un roman. Je le prends. I'll take it. Je le prends. Bien aimable. Very kind. Bien aimable. Plus. Plus. Plus. Now test yourself on that new language. Oui, écoutez l'anglais, dites le français, et puis répétez la bonne réponse. Plus. Plus. A novel. Un roman. I'll take it. Je le prends. Very kind. Bien aimable. Si vous avez eu des problèmes avec le test, écoutez encore la dernière section et répétez le test. Mais si vous n'avez pas eu de problème, bravo! Continuez maintenant avec la prochaine conversation. Thank you.